Regarde les amants qui s'embrassent là-bas. Ils se serrent tellement qu'on ne les voit même pas. Ils doivent s'aimer sûrement si fort que même s'il pleut, ils ne prennent pas le temps de se lâcher des yeux. Beaucoup plus qu'avant, ils savent encore qui ils étaient avant moi, je ne m'en souviens pas. Regarde les vivants, regarde les superbes, ils s'aiment comme des enfants. Tu vois les étincelles, ils ne se lâchent plus. Soudain ils se roulent dans l'herbe, si amoureusement qu'il leur pousserait des ailes. Regarde le printemps, regarde les abeilles. Souviens-toi de novembre et vois comme la nature est belle. Regarde les amants, épouser le soleil. Les choses sont plus fortes lorsqu'elles sont éternelles. Et encore beaucoup plus qu'avant, ils savent encore qui ils étaient avant moi, je ne m'en souviens pas. Regarde les amants qui s'embrassent là-bas. Ils se serrent tellement qu'on ne les voit même pas. Ils doivent s'aimer sûrement si fort que même s'il pleut, ils ne prennent pas le temps de se lâcher des yeux. Ils s'aiment encore qu'avant, ils savent encore qu'ils étaient avant moi, je ne m'en souviens pas.